Qu'en sera-t-il de tous ces je t'aime que tu me chuchotais? Quand je n'aurai plus le même train de vie, que je serai plus coté. Qu'il y aura plus de gaufres, qu'il y aura plus de l'eau, que je redeviendrai pauvre. Et que je n'aurai plus que ma dignité qui restera sauve. Pendant des piges, j'ai attendu que ma vie change. Puis j'ai fini par comprendre que c'était elle qui attendait que je change. Combien de sales, combien de mal avant que je me range. Le cœur et le cerveau dans l'eau, ça sont des endroits tellement étranges. Je retournerai à mon père comme les fleuves retournent à la mer. J'en veux au monde et à la tumeur qu'il a mis à terre. Papa est parti, j'ai même pas eu temps de le rendre fier. J'espère que peut-être tu me vois et que tu prends soin de mes deux grands-mères. Tout ce que je fais, c'est pour sortir ma famille du piège. Mauvais garçon, toujours absent quand c'est l'heure du prêche. On était jeunes, on se disait refrain jusqu'à la mort. Aujourd'hui c'est toi qui me la souhaites dans tes songes les plus hardcore. Mais je suis habitué. Il y a des siècles, mes ancêtres bossaient dans les champs. Et aujourd'hui, je claque des grosses sommes sur les champs. Euros sur le compte me donne l'illusion que ça j'échange. La vérité, c'est que l'argent revient aux mêmes gens. Dis-moi ce que je vais laisser à part tous les actes que j'aurais posés. Je veux qu'il se rappelle de moi comme de celui qui aura tout osé. Bébé, si je pars, sèche vite tes larmes et l'air d'être heureuse. Car ici-bas, aucun homme n'aime les pleureuses. On dit que l'amour est ci, que l'amour est ça, que l'amour est mort. Moi, je dis que l'amour est simple et que c'est nos désirs qui font des ordres. Et que les causes ne sont que des conséquences d'autres causes. Faut que la hurle, ça ne rêve que de voir autre chose. Car j'y suis trop habitué. Dis-moi où t'as mal, je te dirai qui tu es. Habitué. Je suis habitué.